Pages arrachées à Sylvain Tesson. Essais et nouvelles. Feuilleton en 5 épisodes. Extrait choisi par Julie Aminte. Une réalisation de Michel Sidoroff. 3e épisode, la cabane du recours. Alors qu'il n'avait de cesse de parcourir le monde, tel un vagabond avide de kilomètres à abattre, Sylvain Tesson décida en 2010 d'accomplir une promesse faite à lui-même. Vivre en ermite au fond des bois. Ainsi, pendant 6 mois, notre écrivain voyageur s'installa dans une cabane située sur les bords du lac Baïkal, dans le sud de la Sibérie, et fit l'expérience, on ne peut plus inédite pour lui, de l'immobilisme. Il en tira une sorte de journal de bord, riche de pensées et d'impressions diverses, publié à son retour et intitulé « Dans les forêts de Sibérie ». « 18 février. Je voulais régler un vieux contentieux avec le monde. J'avais trouvé dans la marche à pied matière à le ralentir. L'alchimie du voyage épaississait les secondes. Celles passées sur la route filaient moins vite que les autres. La frénésie s'empara de moi, il me fallait des horizons nouveaux. Je me passionnais pour les aéroports où tout invite à la sortie et au départ. Je rêvais de finir dans un terminal. Mes voyages commençaient comme des fuites et se finissaient en course-poursuite contre les heures. Il y a 2 ans, par hasard, j'avais eu l'occasion de demeurer 3 jours dans une cabane de bois sur les bords du Baïkal. Un garde-chasse, Anton, m'avait accueilli dans la minuscule isba qu'il occupait sur la rive orientale du lac. Il portait des lunettes d'hypermétrope et ses yeux grossis par les verres lui donnaient un air de batracien joyeux. Le soir, nous jouions aux échecs. Le jour, je l'aidais à relever les filets. Nous ne parlions presque pas, lisions beaucoup. Huysmans pour moi, Hemingway qu'il prononçait Remingway pour lui. Il avalait des litres de thé, je partais marcher dans les bois. Le soleil inondait la pièce, des oies fuyaient l'automne, je pensais au mien. On écoutait la radio. La speakerine annonçait la température à Sotchi. Anton disait « Cela doit être bien, la mer Noire ». De temps en temps, il jetait une bûche dans le poêle, puis la journée tirée, il sortait l'échiquier. On buvait des petits coups d'une vodka de Krasnoïarsk et on poussait les pions. J'avais toujours les blancs, je perdais souvent. Ces journées interminables passèrent vite. Je songeais en quittant mon ami, voilà la vie qu'il me faut. Il suffisait de demander à l'immobilité ce que le voyage ne m'apportait plus, la paix. Je me fis alors le serment de vivre plusieurs mois en cabane, seul. Le froid, le silence et la solitude sont des états qui se négocieront demain plus cher que l'or. Sur une terre surpeuplée, surchauffée, bruyante, une cabane forestière est l'Eldorado. À 1 500 km au sud vibre la Chine. 1,5 milliard d'êtres humains s'apprêtent à y manquer d'eau, de bois, d'espace. Vivre dans les futaies au bord de la plus grande réserve d'eau douce du monde est un luxe. Un jour, les pétroliers saoudiens, les nouveaux riches indiens et les businessmen russes qui traînent leur ennui dans les lobbies en marbre des palaces le comprendront. Il sera temps alors de monter un peu plus en latitude et de gagner la toundra. Le bonheur se situera au-delà du 60e parallèle nord. Habiter joyeusement les clairières sauvages vaut mieux que dépérir en ville. Dans le 6e volume de L'Homme et la Terre, le géographe Élisée Reclus, maître anarchiste et styliste désuet, déroule une superbe idée. L'avenir de l'humanité résiderait dans l'union plénière du civilisé avec le sauvage. Il ne serait pas nécessaire de choisir entre notre faim de progrès technique et notre soif d'espace vierge. La vie dans les bois offre un terrain rêvé pour cette réconciliation entre l'archaïque et le futurisme. Sous les futaies se déploie une existence éternelle au plus près de l'humus. On y renoue avec la vérité des clairs de lune, on se soumet à la doctrine des forêts sans renoncer aux bienfaits de la modernité. Ma cabane abrite les noces du progrès et de l'antique. Avant de partir, j'ai ponctionné dans le grand magasin de la civilisation quelques produits indispensables au bonheur, livres, cigares, vodka. j'en jouirai dans la rudesse des bois. J'ai tellement adhéré à l'intuition de reclus que j'ai équipé ma cabane de panneaux solaires. Ils alimentent un petit ordinateur. Le silicium de mes puces électroniques se nourrit de photons. J'écoute Schubert en regardant la neige. Je lis Marc Aurèle après la corvée de bois. Je fume un Havane pour fêter la pêche du soir. Élisée serait content. Dans « Qu'est-ce que je fais là ?», Bruce Chatwin cite Junger qui cite Stendhal. L'art de la civilisation consiste à allier les plaisirs les plus délicats à la présence constante du danger. Voilà un écho à l'injonction de reclus. L'essentiel est de mener sa vie à coups de gouvernail, de passer la ligne de crête entre des mondes contrastés, de balancer entre le plaisir et le danger, le froid de l'hiver russe et la chaleur du poêle. Ne pas s'installer, toujours osciller de l'une à l'autre extrémité du spectre des sensations. La vie dans les bois permet de régler sa dette. Nous respirons, mangeons des fruits, cueillons des fleurs, nous baignons dans l'eau de la rivière, et puis un jour, nous mourrons sans payer l'addition à la planète. L'existence est une grivellerie. L'idéal serait de traverser la vie tel le gnome scandinave qui court la lande sans laisser de traces sur les bruyères. Il faudrait ériger le conseil de Baden-Powell en principe. Lorsqu'on quitte un lieu de bivouac, prendre soin de laisser deux choses. Premièrement, rien. Deuxièmement, ses remerciements. L'essentiel, ne pas peser trop à la surface du globe. Enfermé dans son cube de rondin, l'ermite ne souille pas la terre. Au seuil de son isba, il regarde les saisons danser la gigue de l'éternel retour. Privé de machines, il entretient son corps. Coupé de toute communication, il déchiffre la langue des arbres. Libéré de la télévision, il découvre qu'une fenêtre est plus transparente qu'un écran. Sa cabane égaie la rive et pourvoit au confort. Un jour, on est là de parler de décroissance et d'amour de la nature. L'envie nous prend d'aligner nos actes et nos idées. Il est temps de quitter la ville et de tirer sur les discours le rideau des forêts. La cabane, royaume de simplification. Sous le couvert des pins, la vie se réduit à des gestes vitaux. Le temps arraché aux corvées quotidiennes est occupé au repos, à la contemplation et aux menus jouissances. L'éventail de choses à accomplir est réduit. Lire, tirer de l'eau, couper le bois, écrire et verser le thé deviennent des liturgies. En ville, chaque acte s'accomplit au détriment de mille autres. La forêt resserre ce que la ville disperse. Mars 17. Question à élucider au cours des prochains mois. Me supporterai-je moi-même ? Puis-je à 37 ans me métamorphoser ? Pourquoi rien ne manque-t-il ? Le ciel ne tarit pas, la neige tombe encore. Matinée au carreau. Dans une cabane, la vie s'articule autour de trois activités. Premièrement, la surveillance et la connaissance approfondie de son champ de vision, délimité par l'encadrement de sa fenêtre, la notification de tout ce qui s'y passe. Deuxièmement, la bonne tenue de son intérieur. Troisièmement, la réception des rares visiteurs, l'accueil, le renseignement et parfois au contraire, le barrage fait aux importuns. Si je voulais me flatter, je dirais que ces tâches m'apparentent à une sentinelle et font de ma cabane un poste de vigie devant l'empire des arbres. En fait, c'est un boulot de concierge et ma cabane est une loge. Penser à mettre un écriteau revient de suite lorsque je partirai dans les bois. Le soir, le soleil perce, la neige prend un teint d'acier. Les aplats blancs brillent avec l'éclat du mercure. J'essaie de prendre une photo de ce phénomène, mais l'image ne rend rien du rayonnement. Vanité de la photo. L'écran réduit le réel à sa valeur euclidienne. Il tue la substance des choses, en compresse la chair. La réalité s'écrase contre les écrans. Un monde obsédé par l'image se prive de goûter aux émanations de la vie. Aucun objectif photographique ne captera les réminiscences qu'un paysage déploie dans nos cœurs. Et ce qu'un visage nous envoie d'ion négatif ou d'un vide impalpable, quel appareil le pourrait saisir ? 22 mars. Toute la nuit, tempête. Les Russes appellent Sarma le vent dévalant des versants occidentaux du Baïkal. Le cliquetis des outils sous l'auvent m'a laissé éveiller jusque tard. Comment les oiseaux tiennent-ils dans leur nid ? Sont-ils là, demain, vivants ? Le vent a chassé la neige à la surface du lac et m'a rendu la glace. Je patine 2 heures sous le soleil froid en écoutant Maria Callas. Le soir, comme je n'ai plus grand-chose à faire après avoir rentré du bois pour 5 jours, je note sur un papier les raisons de ma retraite. Raisons pour lesquelles je me suis isolé dans une cabane. J'étais trop bavard. Je voulais du silence. Trop de courriers en retard et trop de gens à voir. J'étais jaloux de Robinson. C'est mieux chauffé que chez moi à Paris. Par lassitude d'avoir à faire les courses. Pour pouvoir hurler et vivre nu. Par détestation du téléphone et du bruit des moteurs. 20 avril. Ici, le journal s'arrête 9 jours pour des raisons administratives. Les autorités russes me contraignent à regagner la civilisation pour chercher une extension de visa. Je m'arrache au lac, monte dans les avions, fais le siège d'agents diplomatiques et culturels qui hibernent l'année durant plus profondément que les ours, obtiens le tampon que je convoite, ferme mes écoutilles pour ne pas me faire aspirer par la grande ville, dors 5 heures par nuit, tendu comme un arc, me saoule horriblement, jette à nouveau une cargaison de vivres et d'équipements d'été dans le coffre d'un camion, retourne d'où je viens, regagne la rive du lac devant la pointe sud de l'île d'Olkhon, où m'attend l'hydroglisseur qui m'y avait déposé. 7 mai. Cette nasse dans l'eau glaciale surpeuplée de silures est un cauchemar. Ils sont 6 pris au piège. Je comprends pourquoi tant de peuples considèrent le poisson comme un être démoniaque. Les poissons-chats ont des gueules de monstres chinois et des corps gluants, verts de bronze et jaunes. Ils ont quelque chose du Gollum tolkienien. J'en relâche 4 et garde les 2 plus gros que je tue d'un coup sur la nuque. Même les chiens n'osent pas approcher des corps flasques. Ah, le plaisir intense de remettre une bête en liberté. Un salut en pensée au commandant Charcot qui ouvrit la cage de sa mouette juste avant de sombrer dans les eaux islandaises. Sur la table de bois installée sur la plage, je vide les poissons, puis charge le poêle à bloc pour la cuisine. La chair du silure est élastique, sapide, légèrement écœurante. Il y a maintes manières de l'accommoder. Le mieux est de la faire revenir avec de la farine pour que la chapelure graisseuse masque le goût de vase. C'est ainsi que procèdent les Anglais avec tout ce qui leur tombe sous la main. J'ai encore le souvenir des feuilles de journal huileuses qui nous servaient de napperons dans les fish and chips de Brighton. Je prépare un ragoût pour les petits chiens. Je me réserve une délicatesse, foie de silure poêlée avec une lampée de vodka. À dévorer du poisson depuis des mois, je me métamorphose. Mon caractère est devenu lacustre, plus taciturne, plus lent. Ma peau blanchit. Je dégage une odeur d'écaille. Ma pupille se dilate et mon cœur ralentit. Longue marche sur le lac jusqu'au cap des cèdres du milieu. Le vent diffuse au large une odeur de bois mouillé. Les températures légèrement positives ont libéré le parfum des taïgas. Le printemps n'est qu'un frémissement, mais dans le ciel encore froid, le soleil fait un point chaud. L'eau a dégelé entre les failles. Quand l'une d'elles est trop large, les chiens ne passent pas. J'en prends un dans les bras, franchis la fracture, reviens chercher l'autre qui supplie à petits gémissements qu'on ne l'abandonne pas. Au cèdre du milieu, une cabane en ruine. Un homme s'y cacha jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991. Quand le KGB s'approchait, il s'enfuyait dans les montagnes, il restait quelques jours jusqu'à ce que le danger passe. Je n'ai pas pu savoir s'il était un dissident ou un déserteur. Aujourd'hui, il reste une hutte au toit crevé. Quand j'entre dedans, je pense à ce type. Après l'accession de Yeltsin, il regagna Irkoutsk et y mourut instantanément. J'aurais aimé le rencontrer. Il aurait eu table ouverte chez moi. Dans les décombres de poutres, je trouve un socle de lampe à huile et une tasse. En Russie, la forêt tend ses branches aux naufragés. Les croquants, les bandits, les cœurs purs, les résistants, ceux qui ne supportent d'obéir qu'aux lois non écrites, gagnent les taïgas. Un bois n'a jamais refusé l'asile. Les princes, eux, envoyaient leurs bûcherons pour abattre les bois. Pour administrer un pays, la règle est de le défricher. Dans un royaume en ordre, la forêt est le dernier bastion de liberté à tomber. L'État voit tout, dans la forêt on vit caché. L'État entend tout, la forêt est nef de silence. L'État contrôle tout, ici seuls prévalent les codes immémoriaux. L'État veut des êtres soumis, des cœurs secs dans des corps présentables. Les taïgas ensauvagent les hommes et délient les âmes. Les Russes savent que la taïga est là si les choses tournent mal. Cette idée est ancrée dans l'inconscient. Les villes sont des expériences provisoires que les forêts recouvriront un jour. Au nord, dans les immensités de Yakoutie, la digestion a commencé. Là-bas, la taïga reconquiert des cités minières abandonnées à la perestroïka. Dans 100 ans, il ne restera de ces prisons à ciel ouvert que des ruines enfouies sous les frondaisons. Une nation prospère sur une substitution de population. Les hommes remplacent les arbres. Un jour, l'histoire se retourne et les arbres repoussent. Refusnik de tous les pays, gagnez les bois. Vous y trouverez consolation. La forêt ne juge personne, elle impose sa règle. Elle dispense sa fête annuelle à la fin du mois de mai. La vie revient et les taillis se gonflent d'une fièvre électrique. En hiver, on ne s'y sent jamais seul. Le cri d'un corvidé, la visite des mésanges et la trace des lynx dissipent l'angoisse. Juin. Chaque matin au réveil, le salut aux canards. Ils sont de plus en plus nombreux à s'abattre sur le lac après avoir remonté pendant des jours le long du 105e méridien. Dans le dictionnaire des symboles, on apprend que les canards, chez les Japonais, sont le symbole de l'amour et de la fidélité. Les cèdres dont je suis flanqué, eux, représentent la virginité et la pureté dans l'ésotérisme européen. Ce séjour est placé sous les auspices de la vertu. Ma présence ici, je la dois à ce jour de juillet, il y a 7 ou 8 ans, où je découvris les rives du Baïkal. L'impression inocula en moi la certitude que je reverrai ces lieux. À la manière de ces ésotéristes guénoniens obsédés par l'identification de l'âge d'or, nous sommes quelques âmes nomades qui cherchons par tous les moyens à revivre les moments intenses de nos existences. Pour certains, ils se situent dans l'enfance. Pour d'autres, ils correspondent au premier baiser sous le pont de la départementale. Pour d'autres encore, à une sensation d'épanouissement inexplicable, un soir d'été, dans le crissement des cigales. Pour d'autres, enfin, à une nuit d'hiver où auraient afflué de hautes et bonnes pensées. Pour moi, c'était là, au bord du talus sablonneux ouvert sur le lac. Mishima, dans le pavillon d'or. Ce qui donne un sens à notre comportement à l'égard de la vie est la fidélité à un certain instant et notre effort pour éterniser cet instant. Tout ce que nous entreprenons découlerait d'une inspiration éphémère, intangible. Une fraction de seconde fonderait l'existence. Les bouddhistes nomment Satori ces instants où la conscience entrevoit quelque chose. À peine né, le surgissement s'évanouit. À l'aveugle, on cherche à le ramener. On voudrait ressusciter la sensation disparue. Les jours s'écoulent dans ce tâtonnement. L'existence devient errance. On avance, filet à papillon à la main, aspirant à ce qui s'est enfui. Cette tentative, 1000 fois recommencée et 1000 fois contrariée de revivre le Satori, alimente nos efforts, jusqu'à ce que la mort nous délivre de l'obsession de revivifier les évanouissements. Hélas, on ne se baigne pas deux fois dans les mêmes lacs. Les satori ne se répètent point. La hiérophanie est à usage unique. Les madeleines ne se réchauffent pas. Et les rives du Baïkal me sont à présent trop familières pour me tirer la moindre larme. 5 juillet. Les insectes réagissent avec une sensibilité de sismographe à la moindre hausse de température. Dès que l'air gagne 3 degrés, ils éclosent par millions et barattent l'air de vols fous. Copulation des capricornes. Les antennes se frôlent et les insectes sèment dans une immobilité salutaire. Je n'aurai rien contre la visite d'une jeune entomologiste slovène venue étudier le phénomène. Les canards, eux, évoquent la stabilité du ménage bourgeois. Ils glissent endimanchés, deux par deux, saluant légèrement de la tête les autres couples. Le monde que je foule chaque jour, de la clairière au bord de l'eau, recèle des trésors. Dans l'herbe, sous le sable, des armées vaquent. Leurs soldats sont des bijoux. Ils portent armure vernissée, carapace d'or, cotte de malachite ou livrée rayée. Au cèdre du Nord, je marche sur des joyaux, des brillants, des camées, sans m'en douter. Certains sortent de l'imagination d'un joaillier Jugendstil qui se serait accoquiné avec un alchimiste faustien pour donner vie aux broches et aux émaux à la sortie du four. Tenir en considération les insectes procure la joie. Se passionner pour l'infiniment petit précautionne d'une existence infiniment moyenne. Pour l'amoureux des insectes, une flaque d'eau deviendra le Tanganyika. Un tas de sable prendra les dimensions du Taklamakan. Une broussaille se changera en Mato Grosso. Pénétrer dans la géographie de l'insecte, c'est donner enfin aux herbes la dimension d'un monde. C'était « Pages arrachées à Sylvain Tesson ». Troisième épisode, « La cabane du recours ». Extrait choisi par Julie Aminte. Avec Daniel Martin. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Enregistrement, montage et mixage Benjamin Vignal, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Michel Sidoroff. La cabane du recours est extrait du roman Dans les forêts de Sibérie et est paru en 2011 aux éditions Gallimard.